décide tout au bout de ma route dans ses rêves d'enfant. Une jolie fille m'attend, seule a duré le temps. Elle attend que ma main frappe à sa porte pour me tendre les bras, pour me dire tout bas qu'elle est même que moi. Oh, pourquoi suis-je là dans tes bras quand je sais qu'elle m'attend là-bas? Pourquoi suis-je là dans tes bras? Pour elle, je n'en ai pas le droit. Je lui ai dit que je serai fidèle, je ne peux l'oublier. Ne viens plus m'embrasser, laisse-moi m'en aller. Je me suis arrêté pour couper ma route, j'étais si fatigué. Tes yeux m'ont fasciné, je ne peux pas résister. Oh, pourquoi suis-je là dans tes bras quand je sais qu'elle m'attend là-bas? Pourquoi suis-je là dans tes bras? Pour elle, je n'en ai pas le droit. Je dois la chagriner, mon cœur en est peiné. Adieu, moi je m'en vais. Oh, pourquoi suis-je là dans tes bras quand je sais qu'elle m'attend là-bas? Pourquoi suis-je là dans tes bras? Pour elle, je n'en ai pas le droit. Pourquoi suis-je là dans tes bras quand je sais qu'elle m'attend? Je l'attends.